maximum pour un produit de paire de perfection. Je donne du fer à tous les frères, serre les fesses, car les ailes de l'enfer cachent l'univers de la star. Je donne du fer à tous les frères, serre les fesses, car les ailes de l'enfer cachent l'univers de la star. Je donne du fer à tous les frères, serre les fesses, car les ailes de l'enfer cachent l'univers de la star. Je donne du fer à tous les frères, serre les fesses, car les ailes de l'enfer cachent l'univers de la star. Nouveau concept, nouvelle empêche, bête sur tous les fronts, misé sur une nouvelle galette. Avec du bon lyrics dedans, dis donc amen. Quoi? En quelque part, c'est quand même bizarre de voir qu'elle existe des voix tout noires dès que ça voit. Les regards, ils ne m'agressent comme une tumeur. Comme une tumeur, bien, bien. Plus dénigré qu'un négro, tumeur, l'humeur d'escalafir au chaud. Deal sur le dos des toxicos, d'accord. On est peut-être la même galère, mais pas du même bateau. Outa, je prendrai mon pied sur ces bidons qui veulent guider, mais qui pourtant gardent le nez dans le guidon. Dis-donc, on dirait qu'on vit dans vos drames et qu'ils seront vos frères. Un chrysanthème ne lâchera pas l'affaire. Arrache ta mère, laisse-moi faire. Si je m'affirme dans mes affaires, ce bébé lèche-moi fort. Lèche-moi c'est fort. Ma force, force les forces. Arrête force à faire fort, fort sur la tête de ceux qui dirigent. Qui dirigent, je représente la Scar, hip hop oblige. Je donne du fer à tous les frères, serre les fesses, car les ailes de l'enfer cachent l'univers de la star. Je donne du fer à tous les frères, serre les fesses, car les ailes de l'enfer cachent l'univers de la star. Je donne du fer à tous les frères, serre les fesses, car les ailes de l'enfer cachent l'univers de la star. Je donne du fer à tous les frères, serre les fesses, car les ailes de l'enfer cachent l'univers de la star.